L'homme ne vaut que par sa parole. Larla. Orgueil, temps plein, routine, salaire, 11h, calé, 15h, alerte, malheur, mal-être, manque de monnaie mineure, manque de mots devant mama, manque de moments mignons. Je tire encore une barre, je vais l'éliminer. Fais monter ma lière, fais monter ma neige, fais monter mes nerfs, fais monter ma rage. Je te fais un démarrage derrière ma reine. Ça reste dans le bas, ceux depuis mineurs. On a nos opinions, on a nos opinels. On vient entre les harbis, les blacks et les noirs, chez les packs et les whites et les criminels. Honneur, loyer, misère, huissier, cela, misaine, bien sûr. On est sûr de sa mort, on est sûr de sa mère. On est sûr que sa mère, si t'es sûr de toi-même, c'est sûr que ça marche. Mais les soucis t'amènent, je veux de la haute couture pour la chair de ma chair. On les met en échec, on les tient, on les choque. Pour ceux qui nous aiment, on leur rend l'appareil. Et pour pas qu'ils nous baissent, on les choque. Couleur du billet, la chauffe. Elle est tellement bonne, elle t'achève. Des vitrines pillées, la fille est habile. Comptez au kilo ce que t'achètes. Ça t'es sorti de la street à ta chatte. Toi t'es sorti de la street à ta chatte. On sait combien et à qui tu l'achètes. On sait comment et dans quoi tu la charges. La valeur de la vie ne fait que baisser. Le prix du baril ne fait qu'augmenter. Je suis genre de lascar qui dort pas de la nuit, qui va fumer un doublon sous documentaire. Pas de potes, c'est des conneries. J'en ai pleuré, aujourd'hui je gaulerie. Et y'a pas de voyous que des hommes riches. Que la sonnerie provoque l'insomnie. Et le pire est parvenu à mes oreilles. Je médite, serein. Je me dis, c'est la vie. Donc merlige, c'est rien. Serette, j'enchaîne. Malheur, galère. Un flash de marron, des galops. Une canette, canon, gali. Deux, trois armes égalées. Deux, trois os sur le carreau. 23 ans de Paris.